d'Ouïman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 19 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. Au Burundi, la communauté humanitaire aux côtés du gouvernement continue d'apporter une assistance multisectorielle aux 947 000 personnes les plus vulnérables sur les 1,8 million dans le besoin, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire ce 19 août. Et le Conseil des ministres de mercredi a analysé et adopté le projet d'exploitation du charbon provenant de la tourbe dans la localité de Kashiru. C'est en commune Mugongo-Manga de la province de Bujumbura. Vous entendrez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Un habitant du village de paix de Kagwema, en commune Gihanga de la province de Bubanza, est dans la main de la police depuis ce jeudi. Il est accusé d'avoir assassiné son voisin à l'aide d'un couteau. Notre correspondante permanente, Space Caritas Kavanyana, sera en ligne. Et dans la chronique environnement, vous en saurez davantage sur les pesticides. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Analyse et adoption ce mercredi par le Conseil des ministres du projet d'exploitation du charbon provenant de la tourbe dans la localité de Kashiru, en commune Mugongo-Manga de la province de Bujumbura. Une nouvelle société promet d'exploiter 25 tonnes par an et une production variant entre 40 et 80 tonnes par jour. Un projet dont le coût est estimé à plus de 6 milliards de francs burundais. Le kilogramme de ce charbon de tourbe s'achètera à 400 francs bou, précise Prosper Nhorwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu du Conseil. Suivez. Le sous-sol burundais regorge de substances minérales riches et variées, parmi lesquelles figure la tourbe. Actuellement, la tourbe est utilisée comme combustible et peut substituer le bois de chauffage. C'est dans ce sens que la société Trade Investment Partnership Company and General Trading s'est assignée comme objectif d'investir dans le domaine de la production des briquettes à base de la tourbe. Ce projet vise à développer une nouvelle source d'énergie facilement accessible aux ménages à partir de la tourbe brute extraite dans le pays. Ici est de signaler que ce projet présente un caractère spécial visant la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité, tout cela dans le sens de lutter contre les changements climatiques et par conséquent la lutte contre la déforestation. Le coût de l'investissement total du projet est estimé à 6 509 163 500 francs bou. Certains équipements en rapport avec ce projet sont pour le moment disponibles et ont la capacité de produire 48 à 80 tonnes de briquettes par jour. La société a déposé le dossier de demande de l'autorisation d'exploitation de la tourbe sur le périmètre Kashiru conformément à la législation minière en vigueur. Le site retenu est dans les marais de Kashiru, commune Mugongo-Manga, province Bujumbura, susceptible de fournir environ 200 000 tonnes de tourbe brute. La production maximale planifiée par TPC est de l'ordre de 25 000 tonnes de briquettes par an avec un prix de vente de 400 francs bou par kilogramme. Après analyse de ce dossier et considérant l'impact positif du projet sur l'environnement et l'économie nationale, ainsi que l'impérieuse nécessité de trouver des sources d'énergie abordables qui remplaceraient le bois de chauffage, le Conseil des ministres a constaté que la société TIPC mérite d'être encouragée en lui accordant l'autorisation demandée. Prosper Nhorwami est porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Au cours du même conseil des ministres de mercredi de cette semaine, le numéro 1 burundais a informé les membres du gouvernement qu'un bataillon burundais est déjà sur le sol congolais pour stabiliser l'est de la RDC et aider à la réconciliation du peuple congolais en déploiement qui a été fait sur demande du président congolais et de la communauté est-africaine. Au Burundi, la communauté humanitaire aux côtés du gouvernement continue d'apporter une assistance multisectorielle aux 947 000 personnes les plus vulnérables sur les 1,8 million dans le besoin. Cependant, malgré la transition progressive du pays vers le développement, des défis subsistent selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires qui dit que le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables face au changement climatique, entraînant des déplacements, des épidémies et affectant la sécurité alimentaire. En ce jour célébrant les actions salvatrices de travailleurs humanitaires, le plan de réponse humanitaire 2022 pour le Burundi, d'un montant de 182 millions de dollars, n'est financé qu'à hauteur de 13,5%. L'OCHA continue de faire appel à tous les donateurs pour permettre aux humanitaires d'atteindre toutes les personnes ciblées par l'aide au Burundi. C'est une déclaration faite aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, déclaration de l'OCHA. Et au niveau mondial, un peu plus de 300 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, selon le rapport de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. L'OIM explique cette situation humanitaire déplorable par divers conflits, changements climatiques, la pandémie de Covid-19 et la pauvreté. Et à cet effet, l'OIM trouve que tous les acteurs doivent travailler ensemble pour atténuer la souffrance des gens affectés. On fait le point avec Evariste Nzikobanyang. En cette journée mondiale de l'aide humanitaire, l'Organisation internationale pour les migrations se joint au système des Nations unies afin de reconnaître le rôle que jouent les communautés locales, les autorités et les organisations dans la réponse aux crises humanitaires dans le monde. L'ampleur des crises humanitaires d'aujourd'hui dépasse les capacités d'une seule personne, d'un seul gouvernement ou d'une seule organisation et ne peuvent être résolues que par des efforts combinés poursuit cette organisation. L'association dévastatrice des conflits, de l'urgence climatique, de la géopolitique, de la pandémie de Covid-19 et de la pauvreté a fait explorer le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, atteignant le chiffre record de 303 millions, poursuit le rapport de l'OIM. À ce jour, cette année 2022, jusqu'au 12 août, 168 travailleurs humanitaires ont été attaqués, entraînant 44 décès selon Humanitarian Outcomes. L'OIM est l'un des principaux organismes répondant aux situations de crise à travers le monde. En 2021, l'OIM a aidé 37,7 millions de personnes, y compris des personnes déplacées internes, des réfugiés et des migrants. Merci Évariste pour parler effectivement des déplacés internes. Les déplacés victimes de la récente montée des eaux du lac Tanganyika abrités temporairement au centre destiné au départ à l'enseignement des métiers dans la ville de Lomongue tirent la sonnette d'alarme afin d'être assistés en vivres et en logement dans l'urgence. Ils disent faire face actuellement à un manque criant de vivres après une année sans assistance. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Lomongue, répond qu'en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations IM, ces personnes se seront bientôt installés ailleurs. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, un habitant du village de paix de Kagwema, commune Gihanga de la province de Bubanza, est dans la main de la police depuis ce jeudi. Il est accusé d'avoir assassiné son voisin à l'aide d'un couteau. Son co-accusé est en cavale depuis la nuit de ce mercredi, juste après le crime. Dans la même nuit, des malfaiteurs non identifiés ont grièvement blessé un veilleur de l'église catholique de Gifurgwe, en commune Manda. Les enquêtes sont en cours selon des sources policières et administratives. Spes Caritas Kavanyana. Ce jeudi, les habitants du village de paix de Kagwema en commune Gihanga ont remis à la police un homme qu'ils avaient attrapé pendant la nuit de mercredi après un assassinat commis dans la même localité. Un autre suspect a pris l'orage selon des témoins sur place qui précisent également que la victime était intervenue pour arrêter une bagarre et les gens qui étaient en conflit se sont tournés contre lui et l'ont poignardé. Il est mort sur place, selon la même source. Au cours de la même nuit de mercredi, un veilleur de l'église succursale de Gifugwe en commune Manda a été sauvé par les voisins. Des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés l'ont roué de coups de machette et il est sous des soins intensifs à l'hôpital. L'administration locale Arugunga et Chimbizi indique que les malfaiteurs qui ont tué un jeune de 14 ans la semaine passée ne sont pas encore connus. De même, des malfaiteurs ont failli tuer un homme à Muyebe en commune Musigati. Il a pu échapper et son enfant de 11 ans qui criait et qui dénonçait les noms de ces malfaiteurs a été poignardé. Il est également hospitalisé. Les deux hommes qu'il a dénoncés ont été arrêtés. Au niveau de l'administration et de la police, On explique que les enquêtes continuent pour tous ces cas. Spes Caritas Kabanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les pêcheurs de Guiteranye en province Muyinga sont appelés à porter des gilets de sauvetage et à éviter de franchir les frontières sans papier. C'est entre autres les décisions prises ce jeudi dans une réunion que les différentes autorités ont organisée à l'intention des pêcheurs de cette localité. Il leur a été également demandé d'observer la propreté aux alentours du lac Rugweiro. Pierre Claver, Barundi, depuis Muyinga. Éviter de franchir la frontière sans papier, ne pas vendre le produit de la pêche dans les pays voisins et le port obligatoire d'un gilet de sauvetage chaque fois qu'on pénètre dans le lac Rugweiro, voilà en substance les mesures qui ont été arrêtées ce jeudi dans une réunion que les différentes autorités, dont Colonel Nzisabira, conseiller permanent en matière de sécurité au Burundi, ont tenu à l'endroit de ceux qui exercent la pêche en commune de Guiteranye. Selon l'administrateur Floride Ndouayezu, toutes les embarcations doivent également être gardées dans l'espace réservé à la marine burundaise après la pêche, sinon elles seront considérées comme participant à la perturbation de la sécurité. Les pêcheurs doivent aussi aménager beaucoup de latrines sur les rivages parce que, selon ces autorités, les déchets et les poissons ne font pas bon ménage. Là où ils s'accumulent, les poissons fuient et les pêcheurs sont obligés de les poursuivre très loin dans le lac, allant même à dépasser la frontière sans s'en rendre compte, ce qui leur crée des ennuis. Dans le souci du respect de ces mesures, les pêcheurs sont appelés à fournir tout renseignement utile aux autorités locales. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver. Et le développement des villes devrait aller de pair avec la préservation de l'environnement. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui le dit trouve que l'augmentation incontrôlée de la population a un impact négatif sur l'environnement. Berkman Satungimana signale que s'il y a quelqu'un qui veut s'accaparer d'une propriété dans la forêt, il est immédiatement arrêté. Suivez-le au micro de Moïse Misako. La démographie galopante a quand même donc des impacts, comme vous le savez, sur l'environnement, puisque quand une population donc augmente, donc ils auront tendance à chercher donc des terres cultivables donc dans les endroits qui sont protégés, notamment donc dans les forêts, que ce soit naturelles que artificielles. La conséquence est que il y aura donc des changements donc climatiques. Et s'il y a changement climatique, le premier qui sera victime, donc c'est l'homme. Des fois, nous disons que l'homme est le premier destructeur de l'environnement et c'est le premier qui va subir donc les effets néfastes donc des changements donc climatiques. Et qu'en est-il de l'agrandissement des villes? Est-ce que ça a un impact aussi sur la protection de l'environnement? On ne peut pas donc empêcher les villes d'agrandir puisque nous sommes en perpétuel donc développement. Mais nous devons donc concilier le développement avec la protection donc de l'environnement. Raison pour laquelle quand on veut installer une ville ou bien donc un village, donc des fois il y a donc des boisements et quand il y a des boisements il y a donc une partie donc de la biodiversité donc qui est endommagée ou bien qui est partie. Mais quand on est en train de faire donc des plans d'urbanisation, des plans d'aménagement du territoire, des fois nous leur conseillons donc de laisser donc des espaces verts là où on peut donc planter donc les arbres, là où on peut faire donc des activités en rapport avec la protection donc de l'environnement. Mais comme vous le savez, le pays veut se développer et quand le pays veut se développer, des fois donc l'extension se fait dans les boisements, dans des zones qui sont protégées. Comme je l'ai toujours dit, nous devons donc concilier le développement ainsi que la protection de l'environnement. C'était le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Hatungimana Berkman. C'est dans la chronique de ce vendredi, on parle des pesticides. Justement, c'est la rubrique environnement. Mais avant cela, quelques nouvelles brèves en actualité nationale et internationale. L'irrigation des champs à grande échelle pourrait doubler la production agricole, selon Dr. Janvier Désiré Ngonouziza, chercheur à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L'or qui représente plus de 50% des exportations et les principaux produits agricoles comme le café et le thé avec 25% des exportations, le Burundi devrait diversifier ses sources de devises. Une conférence de base sur le financement du développement au Burundi se tient ce vendredi à Bujumbura. Lors de cette conférence débat sur le financement économique du Burundi, rôle des ressources naturelles, il a été montré qu'en 2020 précisément, le Burundi a exporté du café à hauteur de 24,7% et de l'or à hauteur de 50,9%, la dépendance des ressources naturelles étant associée à beaucoup de défis tels que la détérioration des termes d'échange, la volatilité des prix et donc des revenus d'exportation ainsi que la faiblesse du développement humain. En actualité internationale au Tchad, deux grandes figures de la rébellion des 10 dernières années sont rentrées en N'Djamena ce jeudi pour participer à l'ouverture du dialogue national inclusif qui s'ouvre ce samedi. Il s'agit de Timane Erdimi, 67 ans, et Mohamed Nouri, 75 ans, deux chefs rebelles au parcours politique similaire. Au milieu des années 2000, les deux hommes, devenus des personnalités importantes du régime d'Idriss Déby, se rebellent contre le troisième mandat que le président s'apprête à briguer et créent deux mouvements rebelles à partir du Soudan. Ils forment alors une coalition et arrivent aux portes du palais présidentiel, mais sont repoussés in extremis. Vaincus militairement en mai 2009, ils partiront en exil, Mohamed Nouri en France et Timane Erdimi au Qatar. Depuis février 2008, c'est la première fois que les deux hommes foulent à nouveau le sol de N'Djamena, cette fois-ci sans armes à la main. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais annoncé, les pesticides se regroupent dans différentes familles, dont les herbicides et les insecticides. Selon le biochimiste et spécialiste en pesticides, Dr Ferdinand Ikulgayo, ces derniers sont utilisés pour la protection des cultures et partant l'augmentation de la production. Vestine Boutoui. Les pesticides sont des substances destinées à lutter contre les pestes. Ces pestes peuvent être des herbes qui inhibent la croissance des plantes ou des insectes. Le biochimiste et spécialiste en pesticides, Dr Ferdinand Ikulgayo, révèle que les pesticides sont regroupés en différentes catégories, entre autres les herbicides et insecticides. Les herbicides occupent plus de 80% des pesticides qui sont utilisés dans le monde entier. On peut donner par exemple le cas du Roundup qui contient une substance qu'on appelle glyphosate. Ça, c'est un exemple d'un pesticide qui est en usage au Burundi. On peut aussi citer cette famille des insecticides. Là, on peut donner comme exemple d'acétamipride qui est utilisé pour lutter contre les ravageurs de café. Dans la catégorie des pesticides, on peut aussi noter ce qu'on appelle les mollicides qui tuent les mollusques, les escargots. On peut aussi mentionner les rodenticides, donc ces substances chimiques qui peuvent tuer les rongeurs, notamment les souris et les rats. Au Burundi, on peut citer l'exemple de ce qu'on appelle les sumuyapanya. Aussi, on peut mentionner les acaricides. C'est une catégorie de pesticides qui tuent par exemple les acariens, notamment les tiques, qui font du mal aux vaches ou aux ruminants en général. Mais aussi on peut parler des fongicides qui sont des substances chimiques qui sont capables de tuer les moisissures et les champignons. Et ici au Burundi, on utilise par exemple ce qu'on appelle Daconil et Bravo. On peut aussi mentionner le cas des désinfectants qui tuent les bactéries, les moisissures et les virus aussi. Selon son professeur à l'Université du Burundi, les pesticides sont utilisés pour la protection des cultures. Ici au Burundi, comme ailleurs d'ailleurs, les pesticides sont utilisés pour la protection des cultures parce que, comme vous le savez, il y a des insectes ou des mauvaises herbes qui inhibent la croissance ou qui détruisent les cultures et on va utiliser des pesticides pour tuer ces pestes. Le biochimiste spécialiste en pesticides démontre l'importance de l'utilisation des pesticides. Il y parle de l'accroissement de la production agricole. Les pesticides jouent un rôle très important, notamment dans l'augmentation de la production agricole, parce que, comme je l'ai dit, en tuant ou en empêchant les pestes et les ravageurs de culture, on peut augmenter du coup la production agricole. Aussi, cette production élevée peut être suivie par la réduction de coûts des aliments sur le marché, mais aussi peut y avoir une meilleure qualité des aliments parce que vous voyez, lorsque les insectes, par exemple, attaquent un fruit ou des légumes, vous voyez que les aliments sont de mauvaise qualité. Autre chose, c'est que les pesticides jouent un rôle important dans l'économie aussi bien nationale que l'économie des individus parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous allez voir que les pesticides sont vendus, c'est-à-dire qu'ils font vivre beaucoup de familles. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des inconvénients liés à l'utilisation abusive de ces pesticides, ainsi que les stratégies à envisager pour bien utiliser ces pesticides, tout en préservant la santé humaine et la biodiversité.